J'arrive à hauteur d'une intersection réglée par un panneau stop. Dans un premier temps, je n'ai pas d'autre choix que de m'arrêter. Il est clair que si un stop a été implanté à une intersection, c'est qu'il a été estimé que la visibilité n'est pas suffisante ou que le trafic est trop important pour la franchir sans marquer un temps d'arrêt. Aussi, je prends le temps de regarder à gauche et à droite et je m'engage uniquement si les voies sont totalement libres. Et même si je tourne à droite, je vérifie qu'aucun véhicule qui dépasse n'arrivera de la droite face à moi. Réponse A et C.